Cette conférence par suite de toute une série d'imbroglios administratifs dont je suis aussi en partie responsable n'avait pas de titre. Elle aurait pu avoir celui-ci, Gaston ou l'insolence de l'insoumis, qui la situe clairement dans un courant contemporain, philosophique, qui cherche à la fois à s'assurer un public plus large en traitant de questions philosophiques à travers la bande dessinée ou en illustrant cette thèse philosophique à partir de dessins puisés dans la culture populaire, dans la bande dessinée en particulier. Alors on sait que le mouvement est double hein, pour ces magazines, comme pour Le Monde diplomatique, comme pour Le Courrier international, quand ils consacrent un numéro au voyage de Tintin ou à l'actualité mondiale en bande dessinée. L'idée, c'est évidemment d'aller chercher un public qui n'est pas leur public captif, d'aller chercher un nouveau lectorat et de l'amener justement par la séduction de la bande dessinée ou de l'image. Vous m'entendez ? Alors on a, à travers les tentatives et les expériences du magazine Philosophie, le même genre de démarche évidemment, donc qui est aussi une démarche très clairement commerciale, marketing, aller chercher un nouveau lectorat qui n'est pas celui du magazine habituellement, mais qui constitue aussi un gain de légitimité, de reconnaissance aussi pour une forme qui culturellement a longtemps été minorée et qui est la bande dessinée. Donc, une nouvelle exploration de la bande dessinée malgré tout par ce biais, par ce type d'approche, de nouvelles perspectives qui s'ouvrent et qui seront finalement à la base de cette conférence. Ici, vous avez un numéro de Philosophie Magazine qui est sorti en septembre 2012 et vous voyez qu'à partir de la figure de Gaston Lagaffe, il s'agit de s'interroger sur le sens de l'existence. La vie a-t-elle un sens ? Alors je vous rassure tout de suite, en 50 minutes, il ne s'agira pas pour moi de répondre à cette question. Le sujet est un peu trop vaste, mais peut-être effectivement de poser la question qui revient de manière sempiternelle attachée à ce type d'énoncé, c'est à quoi servent les héros, et en particulier ici les héros de bande dessinée, voire même les anti-héros, on aura l'occasion de traiter de cette dimension de Gaston Lagaffe. Dans quelle mesure est-ce qu'il continue à faire sens dans notre société, à nous interroger, à nous apporter un enseignement, à questionner aussi notre organisation sociale contemporaine qui est largement organisée autour de piliers, autour de valeurs, autour de représentations qui sont notamment celles du travail, de l'efficacité, du rendement, du flux, de la réussite. Alors, a priori, il n'y a rien de plus éloigné de ces valeurs ou de ces croyances contemporaine que le personnage de Gaston, puisqu'on a le personnage vraiment exemplatif de la paresse, celui qui ne viendra jamais à bout de sa montagne de courrier en retard, et qui va faire une première irruption dans le magazine de Spirou le 28 février 1957, de manière tout à fait incongrue et décomplexée. Vous le voyez ici apparaître dans un encart au milieu d'un roman illustré par Maurice, Le piano à bretelles, un roman de Paul Bernat. Tout à coup, une petite case apparaît, la porte de la rédaction de Spirou s'ouvre, entourée de traces de pas ancrées tout autour de son nom et de sa figure, c'est Gaston, qui sera bientôt suivi d'une deuxième image. La porte de la rédaction s'est refermée et Gaston va élire domicile, littéralement, à l'intérieur de la rédaction du journal de Spirou. Un drôle de personnage donc, qui apparaît au bas de la page 5, vêtu de manière un peu particulière aussi, on va voir qu'il va très vite abandonner son nœud papillon, et qui va prendre progressivement une véritable figure d'empêcheur de tourner en rond, de saboteur. Il va véritablement mettre à mal la rédaction, au point que tout cela soit retranscrit, vécu, figuré même à l'intérieur des textes, où ces explosions apparaissent représentées aussi par des explosions collatérales de la typographie des textes et par lien métaphorique, évidemment, de toute la rédaction du journal de Spirou. C'est donc un rôle qui est très clairement circonscrit. Il s'agit tout simplement d'immiscer dans les marges du journal et de la rédaction un personnage qui vient animer ses pages, qui est là pour faire des clins d'œil au lecteur, pour rendre des lectures ou des mises en page peut-être un peu classiques et un peu rebutantes, un peu plus riches, un peu plus attractives, qui ne semble pas avoir au départ un très grand rôle à jouer à l'intérieur de ce rédactionnel. C'est un personnage de gaffeur, donc je vous l'ai dit, qui va progressivement saborder, il y en a de multiples exemples, la rédaction des textes. C'est aussi quelqu'un qui est présenté d'emblée comme un chercheur, vous le voyez, en tout cas vous le devinez en haut de ce petit passage de, au bout du fil. Gaston, c'est un chercheur, nous dit-on. Un chercheur de quoi? Un chercheur, évidemment, en invention saugrenue, qui va à la fois donc dynamiser ce journal et dynamiter ce journal. Donc on est vraiment là dans des extrêmes assez étonnants, assez époustouflants. Alors sa présence, elle devait être éphémère. On aura l'occasion tout à l'heure de reparler du fonctionnement et de la mécanique du gag chez Franquin. L'un des traits caractéristiques des gags et de leur acceptation par le lecteur, c'est qu'ils fonctionnent sur une absence totale de conséquences. Il y aura pourtant une malversation de Gaston qui va avoir des conséquences catastrophiques pour lui. C'est l'intégration, le fait d'amener en tout cas une vache à l'intérieur de la rédaction du journal de Spirou. Cette fois, c'en est trop et il est décidé que Gaston Lagaffe n'y remettra plus un orteil. Et là, on a un gag qui a une conséquence tangible, immédiate, qui va provoquer d'ailleurs une réaction assez phénoménale du courrier des lecteurs, qui eux aussi vont s'engager pour que revienne précisément le héros Gaston, et il va être assez rapidement réintroduit, après avoir été évincé pendant quelques pages et pendant une période finalement très courte. Alors, c'est un personnage que certains ont appelé d'ailleurs un non-personnage. C'est le terme qu'emploie Hugues Daillé dans son duel Tintin-Spirou et dans ses entretiens. Personnellement, je ne sais pas très bien ce qu'est un non-personnage, un anti-héros, je peux le concevoir, un non-personnage qui est un personnage malgré tout. C'est un peu plus complexe, mais c'est effectivement un personnage qui n'a pas de colonne vertébrale, au sens propre comme au sens figuré. Gaston est mou, mais Gaston n'a presque pas d'identité et on ne connaît pas très bien son moteur. Lorsqu'il est accueilli par Spirou, les premières questions auxquelles Gaston va se heurter, c'est des questions qui vont finalement rester sans réponse. Qui êtes-vous, Gaston? Qu'est-ce que vous faites ici? J'attends. Vous attendez quoi? Je sais pas. J'attends. Bah, qui vous a envoyé? On m'a dit de venir. Qui? Je sais plus. De venir pour faire quoi? Pour travailler. Travailler comment? Bah, je sais pas, on m'a engagé. Mais vous êtes bien sûr que vous êtes ici, que vous devez venir. Bah. Et voilà. Hein, première présentation. Un héros sans personnalité, sans vraiment d'identité, sans emploi, et qui débarque à l'intérieur de la rédaction, dont on nous dit très rapidement, par une communication spéciale du collaborateur Fantasio, que effectivement toutes les questions qu'on a pu lui poser ont rencontré un mur d'indifférence. Je ne sais plus. Un type m'a demandé si je voulais travailler chez Spirou, aurait répondu Gaston. C'est tout ce que nous sommes parvenus à tirer de lui, nous dit Fantasio. Par contre, notre bonhomme n'a aucun doute sur l'emploi auquel il est destiné. Il est persuadé qu'on l'a engagé comme héros du journal. Alors là, il y a évidemment une distance ironique qui se creuse d'emblée, puisque Franquin, au départ, ne comptait absolument pas lui réserver de planches ou de bandes dessinées propres. Il était là, effectivement, pour assurer la dynamique entre les planches du journal. Et progressivement, effectivement, il va prendre un peu l'ascendant sur son créateur. C'est là, disait initialement Fantasio, ce qui nous chiffonne un peu. Nous n'avons pas de place pour lui dans les séries existantes. Bah, on va voir que finalement, presque au forceps, Gaston va s'imposer à cette rédaction. Il va s'affranchir, il va occuper ses propres planches, devenir vraiment l'acteur de ses propres aventures et s'employer un peu plus chaque jour à défonctionnaliser le quotidien de la rédaction de Spirou. Il va garder malgré tout un statut très ambigu. Alors vous voyez ici que c'est un Gaston qui apparaît finalement dans les marges du journal. Paradoxalement, la fin de sa carrière seront aussi, non plus dans les marges des pages de Spirou, mais dans les marges carrément du journal de Spirou, dans un supplément qui s'intitule « Le trombone illustré », sur lequel je reviendrai à la fin de cette intervention, où de nouveau, on va retrouver pas directement Gaston Lagaffe, mais en tout cas la plupart des héros qui gravitent autour de lui à l'intérieur de la rédaction de Spirou et dans la maison du Puy, et qui vont de nouveau être des personnages marginaux, puisque les acteurs d'un supplément qui sera glissé à l'intérieur des journaux, agrafé, mais pas directement solidaire du périodique Spirou proprement dit. C'est donc un Gaston, le marginal des pages, des marges du journal, qui débute ici dans ces textes insérés. Alors d'emblée, retenons que la gaffe s'impose donc comme l'élément étrange, le corps étranger d'une rédaction dont il va devenir le perturbateur, le saboteur. La ligne est donnée et si le personnage gagne en autonomie, cette caractéristique essentielle va continuer à lui coller à la peau. Sa position, sa posture même, va s'étoffer d'une dimension sociale et philosophique cependant considérable. Que nous offre en fait Gaston ? Par son altérité, par ses maladresses, par ses gaffes, par le milieu dans lequel il évolue, il nous offre à la fois un questionnement sur l'identité et sur les finalités de l'être, il nous offre une représentation du monde du travail, un questionnement sur l'autre en se démarquant précisément de ce milieu. Ce type de lecture est particulièrement riche et très à la mode pour l'instant dans plusieurs milieux. On a parlé du magazine Philosophie tout à l'heure, mais on la trouve aussi dans la bouche des psychothérapeutes et notamment de Jean-René Meulerec, du moment où je réfléchissais encore à ce que pourrait devenir cette contribution, le 26 décembre dernier, publié une chronique sur la radio, la première radio de la RTBF, où il revenait sur, c'était une rediffusion en fait, sur la critique du film Gaston, sorti l'année dernière, en 2017, et en revenant justement sur l'interprétation particulièrement catastrophique de cette adaptation, de cette portée de la bande dessinée au cinéma. Ce qu'il entrevoit chez Gaston, c'est précisément ce questionnement du rapport de l'homme à l'identité et au travail. Et ce qu'il lit dans cette paresse et dans cette philosophie des personnages, c'est ceci. Lorsque l'homme n'est dominé que par sa raison, et donc la classification, l'ordre, et que tout est à sa place, tout cela est bien pensé comme il faut, sans irrationnel, sans émotion, sans sensibilité. C'est en fait ce qu'incarne Gaston, l'émotion, l'irrationnel, la sensibilité. L'homme, à ce moment-là, devient un outil invisible, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. C'est cette idée qu'effectivement, les outils, vous ne les voyez jamais. On parle de regarder la télévision, mais vous ne regardez jamais la télévision. Vous regardez ce qu'elle produit et ce qu'elle diffuse. Vous regardez rarement l'objet éteint, donc l'outil en lui-même, l'objet, n'a pas d'existence. L'outil est donc invisible, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Il est mis à la disposition de l'économie. Il est mis à disposition, ce qui veut dire qu'il n'existe pas comme individu qui fait obstacle au flux. Or, la modernité, c'est le flux, l'accélération des flux. Il faut que les choses aillent vite. Comment un outil peut-il exister ? Il ne peut exister que dans deux conditions, lorsqu'il est cassé ou lorsqu'il a disparu. Cela veut dire que dans une société qui est régie par l'ordre et la raison, l'homme est amené à n'être dirigé que par la maladie et la mort. C'est une société mortifère. Et c'est là que Gaston Lagaffe est magnifique dans ce qu'il incarne, un contre-flux. C'est-à-dire qu'il refuse cette instrumentalisation de la modernité, au service notamment du travail, qu'il refuse d'être un outil de cette société, qu'il refuse en quelque sorte d'entrer dans le flux pour renouer justement avec des questions essentielles ou existentielles en lien avec la définition des êtres, leur place dans la société et ce grand questionnement sur l'existence. Alors ça ne permet pas seulement de repositionner la place du travail ou du loisir sur l'échiquier des valeurs sociales, ça permet vraiment de ramener un questionnement fondamental sur l'homme et sur sa place dans la société. Comment existe-t-on ? C'est un peu cette question-là qu'amène Gaston Lagaffe. Comment est-ce que je sais que j'existe ? Dans un monde qui est régi par l'ordre et par la raison, où l'homme a tendance à se transformer en outil, bien dès qu'il s'arrête et qu'il s'interroge, le flux s'arrête aussi. Et on renoue vraiment avec des questions essentielles. Le rôle de Gaston, vous le voyez, c'est donc d'introduire cette irrationalité, cette émotion, et d'aller à l'encontre d'une certaine rationalité et d'un certain nombre de représentations sociales. Celle du tout pour le travail, celle du tout pour ou par l'ordre, une opposition à la vision utilitariste, instrumentalisante, pardon, de l'homme. Il ramène, si vous voulez, l'humanité dans le discours social, dans les représentations sociales, ce qui, dans le contexte des années 60 à 80, est quelque chose d'important, parce que c'est l'année où les années où le capitalisme va croître de façon fulgurante. C'est, comme le dit Franquin lui-même dans un entretien avec Mouma Sadoul, une période du tout pour le fric ou du tout par le fric. on est dans un capitalisme au développement effréné, et il s'agit en quelque sorte, même inconsciemment, par le personnage de Gaston, de prendre le biais de cette évolution sociale. On a ici un discours qui s'entrechoque avec une réalité qui est encore valable aujourd'hui. Gaston, c'est l'homme qui s'oppose au flux, c'est le grain de sable qui va venir enrayer la mécanique, une mécanique rédactionnelle à l'intérieur de Spirou, mais plus largement et de manière presque métaphorique, une mécanique sociale. Alors, Jean Van den Horey qui insistait aussi sur le fait que Gaston est toujours questionnant aujourd'hui. Il citait l'exemple de ministres qui ne pensent qu'à remettre les chômeurs au travail, à supprimer les congés de maladie, à limiter toute une série d'interventions sociales. Bien, Gaston vient toujours interroger ces dispositions, ces réformes, ces mesures, rien que par la dimension que lui a donnée Franquin. Gaston, c'est donc une espèce de grand élan vitaliste opposé à cette société caractérisée comme mortifère, un contreflux, un endroit où on refuse l'entrave, où on va mettre à mal vraiment la fonctionnalité aussi de toute une série de choses, y compris des objets du quotidien. Vous avez des exemples ici, je suis désolé pour la qualité des images, mais il y a eu un gros problème avec le PowerPoint. C'est cette image d'une photocopieuse qui va se transformer non plus en photocopieuse ou en imprimante, mais en machine à fabriquer des avions en papier qui va évidemment photocopier et transformer en avion les contrats de Messmaker. C'est aussi quelqu'un qui va intervenir sur l'essence des objets et leur donner une nouvelle existence. Il y a des articles assez intéressants de Bruno Latour, philosophe, sur ces changements de nature entre essence et existence autour des objets que touche Gaston. Et vous voyez ici la scène de colère de Prunel qui veut absolument limiter les courants d'air dans la rédaction parce qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, c'était Musset. Et le problème de la porte fermée, c'est qu'elle ne plaît pas au chat et qu'elle ne plaît pas non plus à la mouette, parce que la porte ouverte ne plaît pas à Prunel. Et donc, on va scier une chatière dans le bas et une ouverture pour la mouette dans le haut. Et il reste finalement une existence de porte, mais plus une essence de porte. Donc on voit que les objets eux-mêmes, dans leur définition, sont remis en cause, sont interpellés par rapport à tout cela. Donc Gaston est en quelque sorte le porteur d'un fonctionnement, le porteur d'un questionnement, pardon, philosophique. Il fonctionne, nous disent les philosophes et les psychothérapeutes, comme un philosophe qui vient interroger notre société de performance, de compétitivité, notre société où on doit être toujours le plus rapide, le plus riche, le plus performant, le plus compétitif. Ici, on a le contre-pied, ces images de calme et de sieste dans les détours de la rédaction, ou encore ce recentrement sur des valeurs essentielles de la vie. Vous avez ici, de manière aussi très métaphorique, cette volonté, alors que Prunel est en retard pour une réunion importante, de ne pas partir avec le taco de Gaston avant que les hirondelles qui nichent à l'intérieur du taco soient revenues parce qu'elles doivent retrouver leurs petits. Et comme il dit, c'est très bien tes réunions d'affaires, Prunel, mais enfin, il y a quand même des choses qui sont plus importantes et Prunel est obligé, effectivement, de donner raison à Gaston et de dire « c'est idiot, mais il a raison ». Ça valait bien un deuxième numéro de Philosophie Magazine. Que je n'ai pas lu, que je n'ai pas eu entre les mains, mais où on voit que Gaston est un philosophe au travail. Alors on joue évidemment presque sur l'oxymore, philosophe, travail, pour un paresseux. Je ne l'ai pas lu, mais je peux presque vous en donner les lignes directrices, puisque quand je vois les différents collaborateurs, on retrouve, et j'ai l'impression que ça a très fort alimenté aussi la réflexion du psychothérapeute Jean Van Emmelrey, on y trouve des lignes directrices très fortes. Pascal Chabot, c'est un ancien philosophe de l'ULB qui travaille à Paris maintenant et qui est un spécialiste du burn-out. Donc on voit évidemment qu'en s'opposant au flux, on s'oppose aussi à l'un des symptômes modernes, contemporains de cela, c'est le burn-out, effectivement. Yves Citon, c'est un philosophe qui est 18e-iste à la base, spécialiste de Tiphaine Delaroche, mais qui s'intéresse beaucoup justement au flux et à l'économie de l'attention, et qui est devenu d'ailleurs, pour ses travaux, docteur honoris causa l'an dernier, ou il y a 2 ans, de l'Université catholique de Louvain. Donc vous voyez toute une série ici de collaborateurs qui vont vraiment dans le même sens que le questionnement qu'initiait Jean Van Emmelrey. Un petit mot avant de passer à des ancêtres supposés, c'est que ce retour vers les vraies valeurs nous ramène aussi sur le rôle des animaux de Gaston. Hein, ce sont des animaux domestiques, une chouette, un chat, ben, ils sont tout, évidemment, sauf des animaux domestiques. Hein, ce sont vraiment des représentants presque de la vie sauvage à l'intérieur de la rédaction, et il est impossible de les domestiquer. Comme s'ils étaient un peu le pendant ou l'incarnation de la révolte qui habite Gaston, mais sans qu'elle soit véritablement actualisée. On aura l'occasion de revenir sur cette idée de révolte. Gaston est en quelque sorte, donc, en tout cas, un être insolent, dans le sens étymologique du terme, du latin insolens, c'est-à-dire inaccoutumé, insolite, qui vient interroger, en fait, une habitude, qui vient interroger du quotidien, qui se présente de manière un peu effrontée, qui fait un peu irruption avec effronterie dans le quotidien. Alors, l'insolence, c'est quelque chose qui est assez proche de l'insulte aussi. Hein. L'insulte, il y a cette idée d'attaque, cette idée de soulèvement, de sédition. C'est assez proche, même étymologiquement, de l'insolence. C'est quelqu'un qui vient donc mettre une brèche dans les habitudes, qui vient questionner ses habitudes pour incarner finalement une figure de la désobéissance et de la résistance. Il remet l'humain et la vie au centre. Alors je vous le disais, insolence, questionnement social, de là à faire de Gaston une figure politique, il n'y a évidemment qu'un pas, on voit que ces questionnements sont éminemment actuels et éminemment politiques. Et il y a un travers vraiment des historiens des idées, des historiens de la culture, et aussi des littéraires ou des historiens de la littérature, c'est de chercher des antécédents, de chercher aussi une généalogie à Gaston. Il y a deux exemples qui viennent assez rapidement à l'esprit. Le premier, c'est une œuvre littéraire, celle d'Herman Melville, qui est plus connue pour le récit de la chasse à la baleine de Moby Dick, qui est un auteur américain, né à New York, mort à New York, mais qui va voyager beaucoup et être d'abord connu pour une série de récits de voyage, et qui nous propose en 1853, dans une période de relatif échec de sa carrière littéraire, un récit qui est publié dans le Putnam Monthly Magazine, donc un magazine mensuel publié à New York, illustré, un Bartleby the Scrivener, A Story of Wall Street. Ça, c'est assez intéressant, déjà, rien que par le titre. Bartleby, le scribe. Scribe, donc, on aurait presque envie de le traduire par écrivaillon, c'est quelqu'un qui fait des écritures dans une étude notariale, c'est un greffier, en quelque sorte. Fait penser un peu au travail de paperasserie et de réponse de courrier de Gaston, déjà. Et puis, A Story of Wall Street. On est dans une petite étude de notaire, effectivement, à New York, dans les marges de Wall Street. On est donc dans un milieu extrêmement confiné, un peu comme l'est la rédaction de Spirou, mais on est à côté du centre névralgique de l'économie américaine et de ce qu'on pourrait qualifier, justement, du flux. C'est là que la société capitaliste va connaître ses plus grands développements et ses développements les plus rapides. On est donc en marge de nouveau de deux représentations, de deux systèmes. D'un côté, un flux avec une pression sociale et une idéologie capitaliste extrêmement forte. De l'autre côté, un contre-flux, quelque chose qui vient directement contredire cet ancrage dans l'espace et dans l'idéologie capitaliste. Alors, on est face à un récit qui est proche du fantastique, qui préfigure, selon certains, la littérature existentialiste et la littérature de l'absurde. En fait, on se retrouve effectivement dans un huis clos entre quatre personnages, le narrateur, le notaire lui-même, Bartleby, et puis deux autres intervenants, greffiers également, qui répondent à des sobriquets comme pince-nez et gingembre. Hein, on a presque Prunelle et Lebrac, hein, donc on se retrouve là aussi avec une onomastique assez particulière. Et Bartleby va entrer dans cette étude notariale et est censé collationner toute une série de documents, recopier, écrire des minutes, ce qu'il va progressivement délaisser. Et chaque fois qu'on va lui confier une nouvelle tâche administrative, il va répondre par « I would prefer not to ». Donc, « Je préférerais ne pas ». Donc, « Voulez-vous travailler ?»« Je préférerais ne pas ». Et petit à petit, l'engrenage va prendre de l'ampleur et le personnage va élire domicile à l'intérieur de l'étude notariale, va travailler de moins en moins, va se déliter de plus en plus, sans que jamais le notaire n'arrive à le mettre dehors, à le renvoyer parce qu'il est pris de compassion, parce qu'il est dénué de personnalité face à un personnage désarmant et derrière lequel il soupçonne un drame humain ou une mélancolie, une nostalgie très forte. On a un parcours qui est assez proche de celui de l'agave sur le plan imaginaire, qui lui aussi va progressivement élire domicile à l'intérieur de la rédaction. Ce qui est vraiment étonnant, c'est la fin de cette histoire, qui va d'ailleurs servir de titre à une adaptation cinématographique qui a eu lieu en 1993, qui s'intitulait « Les hommes rebuts ». En fait, on apprend par une rumeur, et le notaire la relate tout à la fin du récit, c'est que ce Bartleby, son véritable drame, c'était sans doute d'avoir servi comme répondant au courrier, déjà précédemment, et puis surtout d'avoir dû traiter toutes ces lettres qui n'ont jamais été délivrées, qui n'ont jamais trouvé leur destinataire, et qu'il va bien falloir se résoudre à détruire. Mais dans la mesure où ce vague on dit n'a pas laissé d'éveiller en moi un certain intérêt suggestif, quelque triste qu'il fût, peut-être en sera-t-il de même pour d'autres, aussi le mentionnerai-je avec brief. La rumeur voulait que Bartleby eût exercé la fonction d'employé subalterne au département des lettres de rebut de Washington, et qu'il en eût été chassé brutalement à la suite d'un remaniement administratif. Quand j'évoque cette rumeur, je puis à peine exprimer l'émotion qui s'empare de moi. Lettres de rebut. Cela ne rend-il pas un son comme « homme de rebut » ? Imaginez un homme enclin par la nature et l'infortune à une blafarde désespérance. Peut-on concevoir besogne qui pourrait davantage l'accroître que la manipulation continuelle de ces lettres de rebut qu'on brûle tout au long de l'année ? Parfois, des feuillets pliés, le pâle employé retire un anneau. Le doigt auquel il était destiné s'effrite peut-être dans la tombe. Un billet de banque que la charité expédia en toute hâte. Celui qui l'eût soulagé ne mange plus et ne connaît plus la faim. Un pardon pour des êtres qui moururent, confits de remords. Un signe d'espoir pour des êtres désespérés. De bonnes nouvelles pour des êtres qui moururent brisés sous le poids des calamités. Message de vie, ces lettres coururent vers la mort. Ah, Bartleby, ah, humanité. Et on retrouve vraiment à partir d'un destin individuel, de nouveau, l'extension d'une réflexion autour d'une certaine aliénation par le travail, et un travail qui est pensé ici progressivement en marge du capital. Il se fait, et de nouveau, sans vouloir dire qu'il y a eu une influence directe de ses œuvres sur Franquin, que les choses soient claires, il est plutôt amateur de romans russes que de romans américains, on trouve malgré tout des choses qui s'entrechoquent de manière assez étrange et qui vont permettre l'existence de tout un discours social qui permettra aussi indirectement l'existence de Gaston. Ce que les philosophes vont lire progressivement à travers de Bartleby, et là c'est plutôt une histoire de la réception et des idées, c'est finalement le fer de lance d'un anti-pouvoir. Bartleby, le scribe, représente l'opposition par excellence au système. C'est ce refus, hein, presque ontologique, presque existentiel, de basculer au service d'un travail aliénant. Alors, je vois qu'ici, la citation a un peu sauté, mais en tout cas, c'est cette idée qui va être reprise notamment par les philosophes Tony Negri, mais aussi par Gilles Deleuze dans des entretiens qui ont été ici signés dans les années 70. Cette idée que finalement, ces personnages incarnent une révolte, mais une révolte d'un type particulier, celle de la fuite. Celle de la fuite devant la machine aliénante du travail et du capitalisme. Mais que fuir, c'est ce que nous dit ici Deleuze, fuir mais en fuyant chercher une arme, c'est aussi une arme d'opposition, une arme de révolte. Et que toute révolte ne se joue pas forcément en face à face, mais elle peut se jouer aussi dans ces espaces où l'individu peut se dérober à un système qu'il juge aliénant, à un flux qu'il juge dévastateur pour lui, pour l'existence, et en rapport avec des questions philosophiques essentielles. L'autre référence qui vient aussi tout de suite à l'esprit, et qui est un exemple que vous connaissez sans doute bien, puisque Paul Lafargue a fait un passage assez inoubliable à Liège en 1865 pour le Congrès international des étudiants, où il s'est fendu d'un discours où il disait qu'il était temps de remplacer les cocardes tricolores bleu, blanc, rouge par la seule couleur rouge, puisqu'il était un fervent militant de l'Association internationale des travailleurs. Il va devenir le gendre de Karl Marx. C'est un personnage qui va être exercé très vite et presque de manière génétique à l'esprit critique, puisqu'il naît à Cuba, d'une mère mulâtre et d'un père bordelais de confession juive. C'était difficile, évidemment, de combiner autant de minorités en une seule personne. On voit que ça va avoir un résultat détonnant. Et l'une de ces ambitions, je ne sais pas du tout si en faisant comme ça, je récupère toute ma citation un peu, ça va être de s'opposer, de répondre directement par ce droit à la paresse publié en 1880 au droit au travail de 1848 et de brocarder évidemment toute une série d'institutions. Institutions garantes du travail, mais institutions catholiques, institutions d'instruction publique. Monsieur Thiers, nous dit-il, dans le sein de la commission sur l'instruction primaire de 1849, dit « Je veux rendre toute puissante l'influence du clergé parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour souffrir et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme « jouis ». Monsieur Thiers formulait la morale de la classe bourgeoise dont il incarna l'égoïsme féroce et l'intelligence étroite. Plus fort ? Excusez-moi, monsieur, je crois bien ne pas être la seule dans le cas, on n'entend pas bien. D'accord, je vais monter le ton. Donc son ambition, c'est vraiment de monter à l'assaut de la morale et des théories sociales du capitalisme, avec cette idée qu'une étrange folie, depuis bien longtemps, possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis deux siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Travailler, travailler, prolétaire, pour agrandir la fortune sociale et vos misères individuelles. Travailler, travailler, pour que, devenant plus pauvre, vous ayez plus de raisons de travailler et d'être misérable. Telle est la loi inexorable de l'exploitation ou de la production capitaliste. Je vais essayer de remettre... Bon. Le PowerPoint... Merci beaucoup. Donc vous voyez dans quelle généalogie peut s'inscrire justement une œuvre telle que celle de Gaston Lagaffe. Alors est-ce qu'il faut pour autant faire de Franquin et de Gaston d'abord un révolutionnaire, donc de Franquin un auteur politique, engagé, polémiste et révolté? Alors Franquin s'en est toujours défendu, mais vous allez voir que les auteurs sont rarement les mieux placés pour parler de leur œuvre et pour parler de l'inconscient qui se joue à l'intérieur de leur production. « Je ne suis pas quelqu'un d'engagé », disait Franquin dans des entretiens avec Erwin Cavens en 1988. « Je suis vraiment un type superficiel », dira d'ailleurs très souvent qu'il fait des petits dessins, des petits croquis, des petits Mickey. « Je suis un dilettante de l'humour, bien le contraire d'un professionnel. Je dessine des gags et si ça arrive à me faire rire, j'espère qu'ils amuseront le lecteur aussi. Bah, » si on va voir un autre entretien donné ici à Nouma Sadoul dans un livre resté célèbre et Franquin créé à la Gaffe en 1986, on voit que les positions de l'auteur sont nettement moins tranchées. Nouma Sadoul. Ce qu'on trouve aussi parfois dans ton œuvre, c'est quand même la critique d'un certain nombre de travers de la société. Chasse, parc-maître, flic, militaire, etc. Il y a des choses qui te tiennent à cœur et te révoltent. Et que tu dis dans tes bandes. Oui, oui, mais à une toute petite échelle, hein, cela a dû commencer dans Spirou. Le dictateur et le champignon n'étaient pas du tout un pamphlet politique, mais on y sentait le plaisir de faire fondre une armée plutôt que de l'employer. Bah, une partie de ton œuvre, surtout les idées noires et certains Gaston, est un concentré de pamphlets assez salé. Oui, ben, dans Gaston aussi, tu essayeras de me démontrer cela avec les bouquins, on verra ça plus tard. J'ai pas du tout l'impression d'être un dangereux anarchiste. Son antimilitarisme, en tout cas, il est sans équivoque. Oui, mais il vient d'une peur. Évidemment, il fut un temps où j'étais hanté par l'idée fixe d'une bombe atomique prête à nous tomber sur la gueule. Il n'y a d'ailleurs pas de raison de ne pas avoir cette hantise. Chacun de nous a une bombe réglée pour tomber sur sa vie. Rien que de savoir ça, l'idée seule, je trouve, c'est abominable. Bah, tu dis que tu n'as rien d'un dangereux anarchiste. Justement, tu as une conception très anarchisante du sabre et du goupillon, donc des institutions, de l'armée et de l'église. Le sabre, je viens de te le dire, c'est une peur chez moi. Le goupillon, nous en avons déjà longuement parlé, j'ai été son prisonnier à un moment où je ne me rendais pas compte qu'il me volait mes plus belles années, les années les plus importantes pour le reste de ma vie. C'est à ce moment-là qu'on fout les gosses auprès des zélateurs d'une secte, donc il parle des écoles catholiques, et ça c'est une chose que je ne peux pas pardonner, c'est perdre du temps dans un grand vide. Donc on voit que pour un auteur qui n'est pas engagé, qui n'a pas de prise de position politique et qui n'est pas du tout révolté, il a quand même des mots extrêmement durs. Et puis ce serait nier, en fait, trois niveaux d'engagement, trois types d'engagement à l'intérieur de Guest. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler un engagement par le rire. Le deuxième, un engagement qui passerait par une sauvegarde assez précieuse des droits d'exploitation. Et le troisième axe, l'aventure éphémère que va connaître Gaston, ou en tout cas les personnages qui gravitent autour de lui, à l'intérieur du trombone illustré. Je ne sais pas combien de temps il me reste, un peu moins de 10 minutes. Je vais essayer d'accélérer un peu et d'oublier mes notes. Alors Sabrina Messine, dans un article consacré à l'engagement par le rire dans Gaston Lagaffe, a très bien dénoncé et montré cette mécanique du rire dans les gags de Gaston. C'est un article qui doit apparaître dans les actes du colloque bande dessinée et engagement qui s'est tenu à Bruxelles il y a quelques années et qui devrait sortir cette année, où elle montre que le rire ne fonctionne pas du tout à la manière dont Bergson l'a envisagé, c'est-à-dire en venant plaquer du mécanique sur le vivant, mais plutôt en venant plaquer du vivant sur le mécanique. Il y a effectivement dans les gags un aspect mécanique, une mécanique bien testée, bien rodée par Franquin, qui amène effectivement à une chute, mais pas seulement. Et puis, il y a aussi un jeu, une espèce de dialectique engagement-désengagement par le rire qui se joue entre l'auteur et le lecteur. En fait, le rire, il ne réside pas réellement dans une situation, il ne réside pas réellement dans le gag que vous allez lire. C'est quelque chose, une idée déjà ancienne qu'on trouve chez Baudelaire, mais qu'on trouve aussi chez Marcel Pagnol, et qu'on trouve exprimé aussi chez Bergson. Le rire, il est présent chez le rieur. En soi, un homme qui glisse sur une peau de banane, ça n'est pas forcément drôle. Le comique, la puissance du rire, nous dit Baudelaire, c'est le rieur et nullement l'objet du rire. Aucun geste, poursuit Pagnol, aucun acte ne peut être qualifié de comique. Il n'y a pas de source du comique dans la nature. La source du comique, elle est dans le rire. En effet, le lecteur doit en quelque sorte s'engager pour vivre cet humour et pour vivre le gag. C'est-à-dire renoncer à un investissement empathique, renoncer effectivement à un engagement affectif avec le sujet, la situation à laquelle il assiste. Désengagement, donc, pour pouvoir arriver à rire de ce qui sont la plupart du temps des situations de contrariété. La plupart du temps, Gaston est d'ailleurs la première victime, et souvent très lourde. Il se brûle, il reçoit des boules de bowling sur la tête, il va perdre son emploi, on le retrouve suspendu à l'enseigne lumineuse du journal de Spirou, 5 étages au-dessus du sol, etc. Des circonstances qui sont assez peu risibles en elles-mêmes, mais qui, effectivement, amènent au rire par une série de désengagements. Et puis, par le surgissement, évidemment, de l'imprévu dans le prévu, de l'anomalie dans la norme. Alors vous avez ce gag ici, évidemment, un des premiers de Gaston, avec ce sac de noix qui se répand et qui va faire chuter toute la troupe de militaires qui traversent la ville. Là aussi, anomalie, imprévu, dans le prévu, la norme, le collectif, c'est le pas saccadé des troupiers, ce défilé militaire extrêmement réglé. L'imprévu, ce sont ces noix qui arrivent, et ce défilé militaire qui se transforme en ballet comique, en ballet burlesque, un désordre qui est cette fois individualisé, qui est ponctuel, éphémère, contrairement à la norme établie. Un scénario de gag, nous disait Franquin, c'est une petite machine à faire rire qui doit se déclencher. Il faut que le lecteur s'amuse à la première lecture, mais aussi à la relecture. Le gag est réussi quand ce lecteur découvre alors que ce qui a été écrit ou présenté dans les premières cases prend une saveur particulière à la lumière de la chute qu'il connaît déjà. Donc cet aspect mécanique est extrêmement important, un peu comme les spectateurs du XVIIe et du XVIIIe siècle pouvaient aller revoir sempiternellement la même histoire tirée du corpus des tragédies grecques, parce que ce qui était important, c'était l'originalité de l'auteur, les mécanismes par lesquels il allait amener les personnages à un dénouement, qui était connu d'avance et depuis très longtemps. Franquin opère de la même façon avec ici une série de gags sur lesquels je n'ai pas le temps de m'attarder. Mais vous voyez aussi que son rire réclame, en dehors d'un dégagement ou d'un désengagement, aussi un engagement de la part du lecteur. Ce gag de l'armée qui bascule sous un sac ou sur un sac de noix qui glisse, vous pouvez le lire de deux manières. D'une manière neutre, à la manière où vous verriez un comique de situation avec un personnage qui, dans la rue, marche sur une peau de banane et se vautre sur le trottoir. Et puis, de manière idéologique, est-ce un hasard si c'est justement un défilé militaire qui se casse le nez, alors que Franquin, qui se dit non engagé, mais en même temps antimilitariste convaincu, campe ici un régiment des troupes militaires. Le rire, c'est aussi s'affirmer soi, s'affirmer par rapport aux autres, s'affirmer par rapport à la société, manifester des convictions, une critique de la société, exprimer une contestation, libérer une tension. Donc, cette dialectique vraiment d'engagement, de désengagement, à la fois chez le lecteur et chez l'auteur qui est très présent. Franquin va être très attentif aussi aux droits d'exploitation de Gaston Lagaffe et il va veiller à ce qu'il ne soit pas utilisé à tort et en travers par toute une série de publicitaires notamment, de spécialistes du marketing et de la communication commerciale. Par contre, il va très souvent mettre au service Gaston de causes justes, de causes humanitaires, et en faire presque un ambassadeur de l'UNICEF. Vous voyez ici la clôture de l'un des albums, mais ça va apparaître aussi plus largement dans Spirou. Et puis, dans une aventure assez éphémère, en 1977, qui est le trombone illustré, je vous en ai amené un exemplaire, qui va figurer au cœur du journal, et qui ambitionne de rompre justement avec une publication finalement assez classique. Bon, je ne sais pas où il est, mais je vous montrerai tout à l'heure. Ah bah, juste ici, voilà. Donc, il était un petit encart agrafé, glissé à l'intérieur du journal de Spirou, et qui est une stratégie éditoriale qui consistait presque pour ses créateurs à se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire à faire quelque chose d'alternatif dans un média ou dans un périodique de masse, grand public, à essayer finalement effectivement d'occuper les marges et d'y placer toute une série de revendications, à la fois par rapport à la création bande dessinée et par rapport à la société, mais dans un système où ils sont finalement encadrés toujours par le journal de Spirou, toujours financés par leur participation indirecte au journal de Spirou, et avec une volonté de réagir en fait à la montée aussi, après mai 68 et dans les années 70, de la contre-culture, d'une parole alternative qui vient contester un certain nombre de valeurs, et qui voit aussi dans le milieu de la bande dessinée et de la presse se développer de nouvelles pratiques et un nouveau rapport à la fois à la bande dessinée et au discours qui est tenu par rapport à la jeunesse. De nouveau, le Franquin que l'on disait non engagé, ben vous voyez ici dans la bouche de Delporte qu'on est quand même loin du compte. À l'époque du trombone, dit Yvan, chaque fois que je livrais le matériel de Francky qui allait le porter pour l'impression à Marcinelle, je savais que Charles Dupuis allait attendre le colis à l'arrivée. Charles Dupuis, donc, quand même, des presses, des éditions qui restent d'obédience fortement catholique. Je savais qu'il allait déballer tout pour tout lire, et je me demandais avec anxiété qu'est-ce qu'il va encore trouver à redire cette fois. Et pendant que je m'interrogeais, Charles Dupuis attendait en se disant « Qu'est-ce qu'ils ont encore trouvé pour me faire souffrir ?» Car il faut avouer que pour le trombone, nous étions assez gauchistes et pas religieux, etc. Et ça, ce n'était pas bien pour Charles Dupuis. Par contre, pour Spirou, je n'ai jamais connu de problème, et je ne crois pas qu'il y ait eu des audaces tellement étonnantes dans Spirou. Il y avait parfois des audaces techniques, mais pas des audaces en termes idéologiques. Alors là, je reprends une dia qui illustre le cours que je partage avec Erwin Jass à l'ULB sur justement ce développement de la presse et de la contre-culture. C'était vraiment un objectif affirmé par le trombone illustré, devenir un hebdomadaire pirate. Alors, il se fabrique dans les caves de la rédaction de Spirou. Donc, on retrouve toute une représentation du monde éditorial de Dupuis, comme on la trouvait déjà dans les pages de Gaston Lagaffe. On retrouve des acteurs, des amis de Gaston, comme Jules de chez Smith en face, avec les tirets d'usage, qui vont venir occuper cet espace éditorial. qui ne sera publié que quelques mois. Vous voyez ici d'ailleurs la dernière manchette qui signe la disparition du supplément, avec l'hebdomadaire pirate qui vous présente l'assurance de sa plus parfaite considération. Entre-temps, on voit qu'il a eu beaucoup de mal à définir son identité, justement, ce supplément pirate. Il se définit comme, vous voyez ici, l'aspect ludique, évidemment, de la chose, un hebdomadaire clandestin, clanfestin, clandestin, enfin, underground, avec des références à la loi française, justement, en lien avec les publications sur la jeunesse, mais pas seulement. Il y a d'autres lois qui sont visées ici, sur lesquelles je n'ai pas l'occasion de m'attarder, mais sur lesquelles on pourra revenir, et qui va être un banc d'essai aussi pour les idées noires de Franquin, avec une critique là extrêmement noire, justement, de la société, un rapport à l'existence très particulier, et puis des réinterprétations de grands textes catholiques, comme la Genèse, hein, le sixième jour, illustré ici par Robat, et toute une série de revendications qui passent toujours par ces petites manchettes et ces titres qui sont renouvelés à chaque tirage, avec des évêques, avec toute une série de personnages truculents par Franquin, qui prend vraiment un plaisir et un temps immense à dessiner ces lignes. Alors vous voyez que c'est destiné à devenir le plus fort tirage des hebdomadaires clandestins de langue française, le seul hebdomadaire clandestin offert dans un emballage cadeau. Donc on essaye de renverser les rapports de force. L'emballage cadeau, c'est Spirou, hein, c'est ce qu'on déchire pour arriver vraiment au cœur de ce qu'il faut maintenant lire en termes d'expérience éditoriale, c'est-à-dire le trombone. L'hebdomadaire pirate, mais écologique, qui défend la qualité de vie dans l'environnement de la contre-culture. Donc vous voyez dans quel type de discours on se trouve. L'hebdomadaire pirate qui a le plus besoin de se sentir aimé par ses lecteurs, effectivement, parce qu'il est beaucoup moins aimé des rédacteurs de Spirou. Le journal pirate dont la qualité est en raison inverse du nombre de pages, puisque ce sont des suppléments très maigres. Hein. L'hebdomadaire pirate dont le grand format compense les petits moyens. Le journal pirate qui vous en donne plus grâce à son ingrédient secret, pas de pub. L'hebdomadaire pirate, mais qui vit quand même de la publicité qui est présente dans Dupuis, enfin dans Spirou. L'hebdomadaire pirate est gratuit à tous ceux qui payent le prix adéquat, c'est-à-dire ceux qui achètent évidemment Spirou. Le périodique clandestin le plus respectueux de la loi et de l'ordre, donc vous voyez qu'en termes de contre-culture, on est quand même dans des marges assez serrées. L'hebdomadaire de moins en moins clandestin, vu qu'il se fait remarquer de plus en plus. L'hebdomadaire qui en a marre de sa clandestinité parce qu'il gagne à être connu. Et vont s'enchaîner ainsi une série de contradictions dont les auteurs ne parviendront pas à sortir et dont les rédacteurs du journal de Spirou n'arriveront pas non plus à assurer la pérennité. Et ce supplément, même en essayant d'attirer toute une série de dessinateurs qui travaillent pour Pilote, qui travaillent pour Fluide Glacial en France, n'arriveront pas à concurrencer ce développement de la presse française et de cette masse de périodiques beaucoup plus fortement attachés à la représentation de la contre-culture ou de l'underground, tel qu'on peut le comprendre aux États-Unis ou en France après mai 68. Alors, vous voyez qu'on vous fait ici toute une série d'annonces, notamment par rapport à Claire Bretéché, qui va venir effectivement dessiner dans le Trombone Illustré. Il y aura des collaborations aussi avec Gottlieb. Vous voyez aussi les grandes signatures extérieures desquelles ce périodique essaye de se revendiquer, mais en vain. Il essaye de se dire qu'il n'a pas de concurrents, mais que des confrères, mais finalement, les tentatives d'alliance ne fonctionneront pas, et ce sera finalement la mort assurée. Alors, ce parcours est un petit peu rapide, et j'ai décollé, vous l'avez vu, de mes notes, ce qui fait que j'avais beaucoup plus de choses à vous dire, mais c'était difficile de tenir dans un temps aussi serré. Finalement, Gaston insolent et subversif, oui, assurément. Et que peut-il encore nous apporter aujourd'hui ? Bien, il va vraiment à l'encontre du système, effectivement. Il est le porte-voix d'une vision anti-système, contre-fût, parfois l'étendard même inconscient d'un mouvement, d'une idéologie, d'une corporation aussi. On le voit dans le Trombone Illustré, c'est le moment où on réagit contre la presse industrielle pour favoriser une création alternative en bande dessinée, mais d'une réelle insolence face aux poncifs politiques, aux mécanismes sociaux, aux instances éditoriales, cléricales, sociales. Le non-personnage de départ, pour reprendre la formule du Daillé, l'égaré sans métier, est celui qui finit par nous bousculer dans nos a priori, dans nos réflexes quotidiens, dans les moments où la vie s'aliène pour des futilités morbides. Sa révolte est douce, son rire n'en est pas moins carnavalesque, il est de ceux qui accompagnent les mondes renversés. L'utopie aussi est un monde renversé. Allez relire Thomas More, hein, vous allez voir que l'argent est systématiquement dévalué et associé à la défécation, aux pots de chambre. On fabrique des pots de chambre en or, en argent. Les chaînes en or et en argent sont là pour lier les esclaves et pas du tout comme des synonymes de richesse et d'arrivisme dans une société élitiste. C'est cela aussi, finalement, peut-être le rôle et la mission d'un héros. Nous rassurer, nous bousculer, changer notre regard et, en somme, redonner du sens à l'existence. Paradoxalement, par rapport à Gaston, mais logiquement par rapport à notre environnement politique et social, Gaston nous invite peut-être directement à nous retrousser les manches. Je vous remercie.